الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, nous continuons l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, la lumière de la foi qui guide vers le chemin droit de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, et avec l'explication de Cheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah le préserve. La semaine dernière, on avait fini le chapitre concernant les noms et la parole, l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on avait entamé le chapitre du fait que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute vérité, et que le Coran fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala immense qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Il y a donc la chaîne de transmission du Coran jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc de Muhammad selon Jibril selon Allah. ثم قال المؤلف وهو كتاب الله المبين وحبله المتين. Puis l'auteur dit, et c'est le livre d'Allah explicite, et c'est le lien ferme et solide à Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان هو كتاب الله وهو كلام الله وهو القرآن أسماء كثيرة له فهو كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف وهو كلام الله لأن الله تكلم به جل وعلا لا كلام غيره وهو القرآن وهو الفرقان وهو الذكر الحكيم وهو الهدي والبيان وهو الهدى والبيان إلى آخر أسماء القرآن العظيم مما يدل على عظمته لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته دل على عظمته. كتاب الله المبين الذي بين فيه سبحانه وتعالى من يحتاجه العباد, فهو مبين بمعنى بين واضح فصيح, وهو مبين بمعنى مبين لما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنياهم, فهو كتاب عظيم شامل جامع لا تفنى عجائبه ولا تنفد علومه. Donc Cheikh Fawzan dit, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa parole, c'est le Coran, et il a beaucoup de noms. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala car il est écrit dans les tables protégées, dans les tablettes ou dans la tablette protégée. Il est écrit également dans les masahif, dans les recueils du Coran, et c'est donc la parole d'Allah azza wa jalla, car Allah azza wa jalla a parlé en disant le Coran, et ce n'est pas la parole d'autre qu'Allah, c'est le discernement, c'est le rappel sage, c'est la guidée et c'est l'explication et autre nom qu'a le Coran immense qui prouve l'importance et l'immensité de ce Coran. Car une chose, plus ces noms sont en grande quantité et plus cela montre son importance et son immensité. Kitab Allah al-Mubin, le livre d'Allah explicite, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué dans ce Coran ce dont les gens ont besoin. Il est donc explicite, c'est-à-dire qu'il est clair, qu'il est éloquent, qu'il montre de façon évidente ce que les gens ont besoin dans leur vie d'ici-bas et dans leur religion. C'est donc un livre immense qui englobe beaucoup de choses, et c'est un livre dont Al-Ajaib, dont les miracles ne s'arrêtent pas et la science ne s'épuise pas. Puis, l'imam Ibn Qudama a dit, le lien, c'est également le lien ferme et solide à Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان الحبل معروف وهو ما يتعلق به للنجاة والسلامة من الخطر فالقرآن حبل الله قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله هو القرآن أو هو الإسلام. Al-Hablu signifie le lien. Et Cheikh Fawzan dit, c'est connu, le lien ou la corde, c'est ce sur quoi ou c'est à quoi une personne s'attache pour préserver sa vie d'un danger. Le Coran est donc le lien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et accrochez-vous au lien d'Allah tous ensemble et ne vous divergez pas. » Et le lien et la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran ou bien c'est l'islam. « وفي الحديث هو حبل الله المتين أي الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا بمعنى ما سار على نهجه وصل إلى الله جل وعلا ونجا. » Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté dans le Sunan al-Tirmidhi, « Huwa hablullahi al-matin » Le Coran, c'est le lien qui attache à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un lien solide. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, et la corde est de l'autre côté, et c'est nous qui sommes de l'autre côté. C'est-à-dire que celui qui suit cette voie arrivera à Allah subhanahu wa ta'ala et sera sauvé. وَصِرَاتُهُ الْمُسْتَقِيمُ Et c'est également le chemin droit d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit اِهْدِنَا الصِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الصِّرَاتُ الْمُسْتَقِيمُ قَالَ تَعَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمُ وَقَالَ تَعَالَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا الصِّرَاتُ هُوَ الطَّرِيقُ فِي اللُّغَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا قيل القرآن وقيل الرسول وقيل الإسلام والكل حق فالقرآن صراط الله والإسلام صراط الله والرسول صلى الله عليه وسلم صراط الله أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. C'est donc le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah عز وجل dit guide-nous vers le chemin droit, et Allah عز وجل a dit et ceci est mon chemin droit. Le chemin en arabe al-sirat signifie le chemin en arabe. Et on veut dire par là, où il a été dit que As-Sirat, ici dans ce verset, signifie le Coran. D'autres ont dit, cela signifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit, cela signifie l'islam. Et tout est vérité. Le Coran est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est également la voie d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est également la voie d'Allah, c'est-à-dire que c'est le chemin qui mène à lui subhanahu wa ta'ala. Wa tanzilu rabbil alamin. Tanzilu rabbil alamin, qala Allahu jalla wa ala wa innahu ayat al-Qur'an la tanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin. Hadhihi awsafu al-Qur'an. تنزيل رب العالمين نزل من عند الله تنزيل من حكيم حميد تنزيل الكتاب من الله فهو منزل من الله غير مخلوق كما تقول الجهمية قبحهم الله بل هو منزل من الله تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه السلام. Donc وتنزيل رب العالمين c'est une révélation du Seigneur des mondes. Le Coran est donc la révélation du Seigneur des mondes. Et Allah Azza wa Jalla a dit, et c'est, c'est-à-dire le Coran, la révélation du Seigneur des mondes, est descendu avec le fidèle esprit, Ar-Ruhul Amin. Il a descendu sur ton cœur pour que tu fasses partie des avertisseurs en une langue arabe manifeste. Ceci sont les caractéristiques du Coran. C'est la révélation du Seigneur des mondes. Il est descendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la part du sage et du doué de louange et du digne de louange. Allah azza wa jal a fait descendre le Coran qui n'est pas créé, comme le disent al-Jahmiya. Mais il a été descendu de la part d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal s'est exprimé par ce Coran. Et il l'a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi sayyid al-mursalin. Al-Imam ibn Qudam a dit, Allah azza wa jal l'a fait descendre par l'esprit fidèle sur le cœur du maître des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala ala qalbik al-khitab lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam litakuna min al-mundhirin. لتنذر الناس بهذا القرآن العظيم فالقرآن حجة الله تعالى على عباده وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فهو حجة الله على عباده فمن بلغه القرآن وهو يفهمه لو أراد قامت عليه الحجة ولا عذر له. Il l'a fait descendre sur ton cœur, comme l'a dit Al-Fawzan. Ici, Allah Azzawajal s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que tu fasses partie des avertisseurs. C'est-à-dire pour que tu avertis les gens grâce à ce Coran, car le Coran sera une preuve, sera la preuve d'Allah contre ses serviteurs, comme l'a dit Allah Azzawajal. Et il m'a été révélé ce Coran pour vous mettre en garde et tous ceux qui l'atteindront. Donc le Coran est une mise en garde pour tous ceux qui l'ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour tous ceux également qu'atteindra ce Coran même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est donc la preuve d'Allah contre ses serviteurs. Celui donc que le Coran atteindra et qu'il comprendra sera une preuve contre lui et il ne connaîtra pas d'excuses. Bilisanin arabiyyin mubin, en une langue arabe manifeste et claire. بلغة العرب التي هي أفصح اللغات بل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب فهو فصيح وأفصح اللغات لغة العرب وأفصح لغات العرب لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم فلا أفصح من القرآن العظيم في ألفاظه وكلماته ومعانيه. شيخ فوزان دي il a été révélé en une langue arabe qui est la plus éloquente des langues. Plus encore, il a été révélé avec la langue de Quraysh, qui est la plus éloquente des langues arabes. Le Coran est donc plus qu'éloquent, et il a été révélé avec la plus éloquente des langues arabes. Comme je l'ai dit, comme Cheikh Fawzan a dit, la plus éloquente des langues est la langue arabe. Et la plus éloquente des langues arabes est la langue de Quraysh. Et c'est avec cette langue qu'a été révélé le Coran saint. Il n'y a donc rien de plus éloquent que le Coran immense dans ses mots, dans ses termes, dans ses paroles et dans ses sens. Munazzalun ghayru makhluq, révélé et non créé. Munazzalun min Allah jalla wa ala, la min al-lawh al-mahfouz, bal min Allah jalla wa ala. لأن الله ذكر هذا في آيات كثيرة. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل من حكيم حميد. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم لا من اللوح المحفوظ. فلم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما تقوله المبتدعة، وإنما تلقاه جبريل عن الله جل وعلا. Le Coran est donc révélé et non créé. C'est-à-dire qu'il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et non pas par les tablettes protégées. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela dans plusieurs versets du Coran. Où Allah azza wa jal dit par exemple dans le verset 2 de Sourate la prosternation, une révélation, le livre révélé, point de doute de la part du Seigneur des mondes. Et Allah azza wa jal dit dans le verset 42 de Sourate Fussilat, une révélation de la part du sage et du digne de louange. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 2 de Surat Ghafir, la révélation du livre provenant d'Allah le puissant et l'omniscient. Le Coran provient donc d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas des tables protégées. Et Jibril alayhi salam n'a pas pris le Coran des tables protégées comme le disent les innovateurs, mais il l'a pris directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu bada wa ilayhi ya'ud. Le Coran émane de lui et vers lui il retournera. C'est-à-dire, le Coran émane d'Allah et il retournera à Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu bada, min Allah bada, ya'ni takallama Allah bihi, la min al-lawh al-mahfouz, wa la min ghayrihi, wa la min Muhammad, wa la min Jibril, bal huwa min Allah jalla wa ala, minhu bada. C'est de lui, c'est-à-dire d'Allah, qu'a commencé ou qu'a émané le Coran. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal l'a prononcé, l'a dit. Cela ne provient donc pas des tables protégées, ni d'autres qu'Allah Azza wa Jal. Le Coran ne provient ni de Muhammad, ni de Jibril, mais d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de lui qu'il a émané et c'est vers lui que le Coran retournera dans la fin des mondes. وهو سور محكمات القرآن سور وآيات وكلمات وحروف والسور جمع سورة وهي القطعة من القرآن المبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله آية من القرآن نزلت للفصل بين السور ما عدا براءة أول هذه السورة فاتحة الكتاب وهي الحمد لله رب العالمين وآخرها سورة الناس وهي 114 سورة منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير والسورة في الأصل الشيء المحمي الرفيع يقول النابغة في مدح النعمان بن المنذر ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب والسورة المنزلة الرفيعة ومنه سميت سورة القرآن لرفعتها ولأنها منيعة لا أحد يرويها يرومها بزيادة أو نقص أو تحريف. Et le Coran est constitué de sourates claires. Cheikh Fawzan dit le Coran est donc constitué de sourates, de versets, de paroles, de mots et de lettres. Et les sourates, c'est le pluriel de surah. Et la surah, c'est une partie du Coran qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et Bismillah fait partie d'un, est un verset du Coran qui a été révélé pour séparer les différentes sourates, hormis surat Bara'ah, qui est surat At-Tawbah, qui est surat Tawbah, le repentir, qui elle ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elle commence directement par Bara'atun min Allahi wa Rasulih. Et la première des sourates est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La dernière est sourate An-Nas. Et elles sont au total 114 sourates. Il y a parmi ces sourates, certaines sont longues, d'autres sont de taille moyenne et d'autres sont petites. Et la sourate, à la base, signifie quelque chose de protégé et d'élevé. An-Nabira, qui était un poète, a dit, en faisant l'éloge de Nu'man ibn Munzir, qui était un roi, ne vois-tu pas qu'Allah t'a donné une sourate et que tu vois tous les rois qui n'ont pas ce statut vaciller devant toi. Ici, le poète a dit, n'as-tu pas vu comment Allah t'a donné une sourate, c'est-à-dire un degré, une manzila. Wa suratul manzila. Donc la surah en langue arabe signifie une place, un degré élevé. Et ceci, et c'est pour cela que les sourates du Coran ont été appelées suwar, car elles sont élevées et personne ne peut rajouter ni diminuer ou les falsifier. فالقرآن محفوظ كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يبدل ولم يغير منه شيء لأن الله تعالى تكفل بحفظه قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلا أحد على كثرة الأعداء الحاقدين تجرأ على أن يغير في كلام الله أو يزيد أو ينقص هذا من آيات الله سبحانه وتعالى حفظ الله كتابه من العبث وسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يتطاول إليه أحد مع كثرة خصومه وكثرة أعدائه. Le Coran est donc protégé. Et il est comme il a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans avoir été modifié ni avoir été falsifié car Allah subhanahu wa ta'ala a pris en charge sa protection. Allah azza wa jalla a dit c'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui le protégerons. Personne donc parmi les ennemis nombreux et jaloux n'a essayé ou n'a réussi à changer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à y rajouter des choses ou à en enlever d'autres, car ceci fait partie des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jalla a protégé son livre de toute modification, et il le protégera jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla fasse disparaître la terre et ce qu'elle contient. Personne ne s'attaque à lui, c'est-à-dire au Coran, malgré le grand nombre d'ennemis qu'il comporte. وَلَوْ حَاوَلَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَفَضَحَهُ اللَّهُ وَأَخْزَاهُ كما حصل لمسيلمة الكذاب الذي زعم أنه ينزل عليه قرآن ففضحه الله وأخزاه وصار مضحكة للعالم وكذلك كل من حاول أن يحاكي القرآن فإن الله جل وعلا يفضحه ويخزيه ويجعله مضحكة للناس بل يهلكه كما حصل لمسيلمة وغيره. Et celui qui essaye de modifier ou de falsifier le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'humiliera. Allah subhanahu wa ta'ala fera montrer son cas et l'humiliera comme il l'a humilié Musaylama al-Kadhab qui prétendait qu'il recevait la révélation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a montré son cas au grand jour et l'a humilié. Et lorsqu'il est cité maintenant, il est cité comme quelqu'un d'humiliant et quelqu'un de mauvais. Et le sort, et ce sort-là est réservé à toute personne qui essaierait de falsifier ou de modifier le Coran, sa destination sera la même que Musaylimah al-Kadhab. Muhkamatun. Il est constitué de sourates claires. Muhkamatun ya'ni mutqinatun min al-ihkam wa huwa al-itqan. Al-Qur'an kulluhu muhkam bima'na annahu mutqan. Alif lam ra kitabun muhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. فهو كله محكم بمعنى أنه متقن وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق وحلاوة اللفظ كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغة. Donc l'imam de Qudama a dit « Wahuwa suratul muhkamat » Ce sont des sourates claires. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les versets du Coran ? Que certains sont muhkam et d'autres sont mutashabih. Et ici, l'imam de Qudama a dit « Wasuwarul Qur'ani wahuwa suwarul muhkamat » Et toutes les sourates sont muhkamat. Il y a une contradiction ou pas là ? Ben si, puisqu'on a dit qu'il y a des sourates ou des versets qui sont yani, muhkam, clairs, et d'autres qui sont mutashabih, c'est-à-dire équivoques, qui comportent des ambiguïtés. Comment comprendre ça alors ? Non, mais on avait dit que les versets mutashabih, c'était ça, autrement dit les versets ambigus, ce sont les versets qui ont besoin d'autres versets pour être expliqués. Et les versets clairs, muhkam, ce sont les versets qui sont clairs par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'autres versets pour éclaircir leur sens. Mais ici, l'auteur dit « Toutes les sourates sont muhkamat ». Ça a du sens. Non ? Dans la mesure où elles sont expliquées par celles qui sont... Non, mais ici, il dit « Elles sont toutes », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mutashabih. Je suis d'accord avec lui. En fait, il y a deux sens. Il y a deux sens qu'il faut bien différencier. Le sens muhkam a deux sens. Il veut dire clair dans le sens que il n'a pas besoin d'autres pour être expliqué. Et il a aussi le sens de parfait. C'est-à-dire que ces sourates sont parfaites, c'est-à-dire que leurs termes, leur sens, la façon dont les phrases sont formulées, le Coran est parfait et donc toutes les sourates sont parfaites. On ne parle plus ici de clarté mais de perfection. Donc le terme ihkam et muhkam ont deux sens, le sens de clarté et le sens de perfection. Comme le terme mutashabih. Mutashabih a un sens de ambigu et a un sens aussi de ressemblance. Il a un sens de ressemblance. Donc le Coran est entièrement perfection et il est entièrement ressemblance. Mais il est partiellement muhkam et partiellement mutashabé, c'est-à-dire il est partiellement clair et partiellement ambigu. Dans le sens de clair et ambigu, il y a des parties du Coran, mais dans le sens de perfection et ressemblance, c'est l'ensemble du Coran qui est parfait et se ressemble. Et c'est ce qu'explique Cheikh Al-Fawzan lorsqu'il dit « Al-Qur'an kulluhu muhkam ». Le Coran est entièrement muhkam, c'est-à-dire qu'il est parfait. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Hud, le premier verset, « Alif lam ra kitabun muhkimat ayatu » un livre dont les versets ont été parfaits. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Puis, elles ont été expliquées de la part du sage et de celui qui a la connaissance. Donc, fahuwa kulluhu muhkam bima'na annahu mutqan. Donc, il est entièrement muhkam, c'est-à-dire qu'il est parfait. Wa kulluhu mutashabih. Et il est entièrement mutashabih, c'est-à-dire qu'il se ressemble. C'est-à-dire que le Coran se ressemble. Les versets et les sourates se ressemblent fil husni wa sidqi wa halawati lafd dans la beauté, dans la véracité et dans la douceur des mots. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans sourate Az-Zumar, le verset 23, Allah a fait descendre ou a révélé le meilleur des rappels ou la meilleure des paroles dans un livre ressemblant. C'est-à-dire que tous les versets et les sourates se ressemblent dans leur beauté et dans leur douceur et dans la douceur des termes qui sont utilisés. يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغة. C'est-à-dire que le Coran se ressemble dans sa perfection, dans sa beauté, dans son éloquence et dans sa rhétorique. ثم قال ومنه محكم ومنه متشابه والمراد الإحكام الجزئي والتشابه الجزئي والمحكم كما عرفنا سابقا هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره لأنه واضح في نفسه. Et dans le Coran il y a du muhkam et du mutashabih. Et ici c'est un muhkam partiel et un tashabuh partiel. Et al-muhkam, comme l'on l'a vu précédemment, c'est-à-dire dans les cours précédents, c'est le verset qui, pour être expliqué, n'a pas besoin d'autres versets, car il est clair en lui-même. Wal-mutashabih huwa al-lafdh al-mujmal alladhi yahtaju fi tafsirihi ila ghayrihi. Et quant à l'ambigu, ce sont les versets globaux qui, pour être expliqués, ont besoin d'autres versets. Allah Azza wa Jalla a dit « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » Allah Azza wa Jalla a descendu sur toi le livre qui contient des versets clairs, dont la mère des livres, et d'autres versets qui sont ambigus. فعرفنا إذن أن القرآن يطلق عليه كله أنه محكم ويطلق عليه كله أنه متشابه ويطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه وهذا ما يسمى بالإحكام والتشابه العام والإحكام والتشابه الخاص ولكل منهما معنى خاص به. Et Cheikh Fawzan conclut en disant: nous savons donc que le Coran peut être qualifié d'étant clair dans sa totalité. Et il peut être qualifié comme étant ressemblant dans sa totalité. Et on peut aussi dire qu'une partie est claire et l'autre est ambiguë. وَهَذَا يُسَمَّ بِالْإِحْكَامِ وَالْتَشَابُهِ الْعَامِ وَالْإِحْكَامِ وَالْتَشَابُهِ الْخَاصِ. Et là on parle de clarté et ressemblance générale et on parle de clarté et ambiguïté spécifique. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا مَعْنًا خَاصٌ بِهِ. Et chacune de ces clartés et de ces ressemblances et ambiguïtés a un sens clair et qui lui est spécifique. C'est clair ou pas? C'est clair? ثُمَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَآيَاتٌ بَيِّنَاتٌ. Et le Coran, ce sont aussi des versets explicites. قال تعالى بل هو آيات بينات آيات جمع آية والآية في اللغة العلامة سميت آية القرآن آية لأنها دلالة وعلامة على عظمة الله سبحانه فالآية في اللغة الدلالة والعلامة وهي على نوعين آية متلوة وآية مخلوقة الآية المتلوة آيات القرآن والآية المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر والبحار والأنهار هذه آيات سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله جل وعلا وأما الآيات المتلوة فهي الوحي المنزل من الله جل وعلا وسمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله وعلى أحكامه وتشريعاته Des versets explicites, Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Ankabut, qui est Sourate L'araignée. Verset 49, où Allah Azza wa Jalla a dit, c'est-à-dire le Coran, des versets explicites. Des versets, c'est le pluriel de verset. Et le verset en langue arabe a le sens de signe. Et le Coran, et les versets du Coran ont été appelés versets, car ce sont des signes de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْآيَةُ فِي اللُّغَةِ الدَّلَالَةُ وَالْعَلَامَةُ Le verset donc en langue arabe signifie la preuve et le signe. Et il y a deux types de versets et de signes. Il y a les signes lus et les signes créés. Quant aux signes lus, ce sont les versets du Coran. Quant aux signes créés, c'est-à-dire les signes qui prouvent l'immensité d'Allah, comme le soleil, la lune, la nuit, le jour, les arbres, les êtres humains, les mers et océans, et les rivières. Tout ceci sont des signes, car elles prouvent la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit un poète, وَفِي كُلِّ آيَةٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ Et il y a dans toute chose une preuve que c'est lui le seul, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans toute chose que tu vois, il y a une preuve de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant aux versets lus, ce sont la révélation révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est appelé verset ou preuve, car elle prouve l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et montre également les jugements et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On aktafi bi hadha al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك